Quelle nuit de printemps! Un brillant clair de lune inondait de lumière les vallées de Lucienne et les bois de Marly. Les senteurs déjeuners en fleurs arrivaient par bouffées des collines, et les éclats harmonieux du rossignol se déroulaient en notes perlées de tous les massifs de verdure. L'intrépide cavalier avait lancé son cheval à fond de train. C'était un galop ardent, une course frénétique dans l'espace. Arbres, châteaux, collines, pièces d'eau, tout fuyait comme dans un rêve. « Ah, bête indomptable !» disait le cavalier. « Je te tiens cependant. » Nous voilà seuls dans la nuit. Et je n'ai plus peur que tes ruades et tes emportements cassent les jambes de tes voisins. Saute et bondis à ton aise, beau cheval de sultan. Tu es au service du roi de France. Et mordieu, tu feras comme les plus grands du royaume, tu obéiras. Après une pause, il reprenait toujours en galopant. À Saint-Germain, et moi qui ne croyais la revoir de bien longtemps, moi qui me désolais du départ de la cour pour Versailles, que je regardais comme un lieu d'exil affreux, je la reverrai cette nuit même. Oh, je suis sûr qu'elle voudra recevoir le premier page du roi. Oui, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour Henri de M. Qu'elle interrompra son sommeil et viendra dans un salon me parler d'elle, de ses tristesses, de ses craintes, de son amour. Ah, qu'il est heureux, ce roi de France. Et comme je lui chercherai querelle de bon cœur, si ce n'était une espèce de Jupiter olympien, inattaquable dans sa gloire. Quelle étrange situation. J'aime le roi. Je le servirai fidèlement jusqu'au dernier soupir, et cependant 10 fois par jour. Je me sens pris contre lui d'un accès de colère effroyable. Il est aimé. Voilà son crime à mes yeux, et celle qu'il aime est l'idéal de mon cœur, l'enchantement de mon esprit. Quel affreux supplice. Être obligé, par mon service même, de lui porter des lettres de tendresse de son amant couronné. Ah, si je pouvais détrôner Louis XIV dans ce cœur-là, quand ce ne serait que pour une heure. Que je serais heureux de mourir après cette victoire. N'importe, allons toujours. Allons nous enivrer encore des regards de ces beaux yeux bleus comme le firmament, purs et brillants comme les étoiles. Et le cheval, vigoureusement lancé, fournissait sa carrière sous la main et la volonté du cavalier le plus déterminé à arriver à son but. Il était environ 1 heure du matin quand Henri de M traversa la ville de Saint-Germain-en-Laye. Il se dirigea vers le château où les gardes du régiment du roi, les gardes françaises, le reconnurent et le laissèrent entrer. Il livra son cheval couvert d'écume à des palefreniers en leur disant « Dans 3 quarts d'heure, je serai ici. Ayez soin de ce cheval qui a beaucoup couru. » Le page, une cravache à la main, quitta le château et prit son chemin au nord de la ville. Bientôt, il sonnait à la grille d'un hôtel donnant sur la lisière de la forêt. C'est là que logeait la dame de ses pensées, celle qui aimait Louis XIV, et à qui le roi avait donné cette charmante résidence, ne voulant pas qu'elle continuât à habiter ce triste et sévère château royal de Saint-Germain, d'où l'on découvrait si fatalement le clocher de l'abbaye de Saint-Denis. Idée de roi triomphant et trop heureux. Le concierge reconnut l'uniforme de la maison du roi et se hâta d'ouvrir. Monsieur de M demanda à un valet si madame reposait. On lui répondit qu'il y avait encore de la lumière dans le salon du rez-de-chaussée donnant sur le jardin. Henri suivit son interlocuteur. Arrivé dans un élégant salon ovale, tapissé de damas lamé d'argent, il se jeta dans un fauteuil et l'attendit en face, précisément d'un grand portrait de Louis XIV. « Ah, dit-il, je le retrouve ici et toujours dans sa gloire et dans son bonheur. » Puis, parcourant des yeux l'ameublement, il examina tout ce que renfermait ce charmant salon, tout, jusqu'à la moindre porcelaine, jusqu'à la plus insignifiante boîte oubliée sur la table. 10 minutes passèrent ainsi, lorsqu'une porte s'ouvrit dans le fond. Une femme parut, c'était Mademoiselle de la Vallière. Nous ne chercherons pas à dépeindre ici ces douces et rayonnantes beautés. Ceux qui voudront avoir une idée exacte de ce qu'était Mademoiselle de la Vallière, à 18 ans, c'est-à-dire dans tout l'éclat de sa jeunesse, dans tout le charme d'une grâce inséparable, n'auront qu'à aller visiter à Versailles l'appartement de la reine. Ils verront là, incrusté dans la boiserie dorée, près d'une fenêtre, un grand médaillon représentant la noble et charmante femme qui aima Louis XIV, malgré sa couronne. Le portrait vaut bien le voyage. Retournons à Saint-Germain. Mademoiselle de la Vallière était vêtue ce soir-là d'un peignoir de basin des Indes, garni de nœuds de ruban bleu de ciel. Ses magnifiques cheveux blonds retombaient en boucles soyeuses, et ses bras, nus à moitié, se perdaient à la hauteur du coude dans un flot de dentelles. Quand elle vit Henri de M., elle se prit à sourire, et elle s'approcha de lui presque en courant, la naïve et charmante femme. Elle connaissait beaucoup Henri de M, comme page du roi, et surtout comme frère d'une de ses bonnes amies du couvent où elle avait été élevée. « Madame, dit le page, c'est par ordre du roi. »« Et je le vois bien, reprit Louise de la Vallière. « N'auriez jamais eu l'idée de me rendre visite à cette heure-ci, n'est-ce pas, mon cher Henri ?» Ce ton familier, cette douce cordialité faisait le désespoir de M. de M. Mademoiselle de la Vallière ne voyait en lui que le frère de son ami d'enfance. Rien ne démonte un amour passionné comme une parole franchement amicale. Henri remit la lettre du roi qu'on s'empressa de décacheter. À la fin de la lecture, les plus beaux yeux bleus du monde furent humides de larmes. Mademoiselle de la Vallière s'était assise dans un grand fauteuil. M. de M. se plaça en face d'elle, près d'une grande table sur laquelle brûlait un candélabre à 8 bougies. « Madame, dit Henri, je croyais vous apporter les meilleures nouvelles. Vous voilà rêveuse et presque attristée. » « Cela est vrai, reprit-elle. Ce départ de la cour pour Versailles m'a bien affligée. Ah, on était si bien à Saint-Germain. Et quant à moi, j'ai passé de bien beaux jours. » « Ils renaîtront à Versailles, madame. On meuble pour vous un hôtel magnifique. »« Magnifique, répondit vivement la charmante femme. Eh, mon Dieu, nous n'aurons donc que des grandeurs. J'ai toujours rêvé une jolie maison sur un coteau dominant une riche vallée. Ah, mais je suis folle, reprit-elle. « Henri, avez-vous des nouvelles de votre sœur? Et vous, comment vous portez-vous » La question était originale, placée là, après tant d'autres phrases de la conversation. M. de M. sourit. Il voyait qu'on voulait briser avec de sérieuses préoccupations. « De quoi riez-vous ? » demanda Louise de la Vallière. « Du « comment vous portez-vous, madame ?»« J'aurais dû commencer par là, n'est-ce pas ?»« C'est que voyez-vous, je suis toute troublée. » »« La cour à Versailles m'épouvante. » « Pauvre roi, ajouta-t-elle, il ne pouvait se faire ici à la vue lointaine du clocher de Saint-Denis. Louis XIV, ce grand monarque, qui a peur de mourir un jour. « Eh, madame !» dit vivement Henri, « je crois aisément qu'on a peur de quitter ce monde tant que vous y êtes. Et si je n'y étais plus ? Oh, dans ce cas-là, reprit-il avec un accent étrange, c'est à Saint-Denis même qu'il faudra aller se loger en face des tombeaux. « On m'aime donc bien, Henri ?» demanda-t-elle. « Oui, madame, » dit celui-ci, les yeux brillants et la voix fiévreuse. « Eh, mais, comme vous parlez singulièrement, » répondit Louise de la Vallière, « est-ce que vous seriez souffrant ?»« Très souffrant, madame, » dit Henri, « j'ai une maladie de cœur qui me tue. »« Vous ?» s'écria-t-elle en se levant et en lui tendant sa belle main blanche et rose. Henri saisit cette main, il la porta à ses lèvres en mettant un genou en terre. « Oh, relevez-vous !» dit mademoiselle de la Vallière. Je ne suis pas habitué à ce qu'on m'adore. Non, reprit Henri, quand le roi de France est à vos pieds. Ah, madame, pourquoi son pauvre page n'y serait-il pas aussi? Mais parce que vous êtes mon ami, le frère de ma meilleure amie, et qu'entre vous et moi, mon cher Henri, c'est de l'amitié cordiale, ouverte, naturelle, bonne et sincère. Malédiction, dit monsieur de M, en se relevant et en se rejetant dans son fauteuil. « Vraiment, je ne vous reconnais pas du tout, » lui répondit-on. « Tenez, pour vous faire du bien et nous distraire, nous allons manger des fraises ici même. Tout en causant, je répondrai au roi. » « Je serai le passe-temps, comme je suis le courrier, » dit Henri en soupirant. « Vous serez l'ami, l'appui, le consolateur, » répondit Louise. « Cela ne vous suffit-il pas, ingrat ?» Mademoiselle de la Vallière sonna et demanda sa collation. On apporta un magnifique plateau en argent ciselé et couvert des plus belles porcelaines. Le souper était frugal, mais d'une recherche exquise. Il y avait une volaille pour monsieur l'envoyé du roi, d'excellents vins de Roussillon et de Malaga, des confitures, des fraises superbes, des sorbets, des oranges arrivant de l'île Majorque par l'ambassade d'Espagne, des petits fours et des sucreries de toute espèce. Mademoiselle de la Vallière renvoya ses gens, et avec un enfantillage ravissant, elle se mit elle-même à servir Henri de ses nobles et délicates mains. C'était en perdre la tête si un grain d'amour avait été mêlé à la partie. M. de M. prit le parti de manger et surtout de boire, cherchant à faire diversion avec son chagrin. Le vin vieux est quelquefois le bon génie des jeunes amoureux. Mais sur un coin de la table, et tout en causant avec son hôte, Mademoiselle de la Vallière écrivait de temps en temps une ligne ou deux sur du beau papier à ses armes. Henri buvait de colère. Une fois, il fut tenté de chercher querelle à la plus douce des femmes. Tout à coup, il se souvint d'un papier qu'il avait dans sa poche. « Ah, mon Dieu, madame » dit-il, « j'oubliais quelque chose d'important. Figurez-vous qu'au moment d'entrer dans la ville de Saint-Germain, j'étais accosté par un fou qui se promenait au clair de la lune et qui m'a, très sans façon, chargé d'une lettre pour vous. « Pour moi ?» dit Louise. « Et comment savait-il que vous veniez me voir ?»« Bon, » reprit Henri, à qui le vin donnait de la verve. « Est-ce que la folie n'est pas, petite cousine Germaine, de la sorcellerie ?»« Un fou, c'est tout ce que les sages ignorent. » En même temps, il remit la lettre à Mademoiselle de la Vallière, et après ce grand coup d'éclat, il se versa une rasade et but héroïquement. La lettre était courte, mais écrite en vers passionnés et d'une écriture extravagante. « Miséricorde !» dit Louise après l'avoir lue. « Vous avez raison, la lettre est d'un fou. Mais il me semble cependant que les vers sont superbes. Vrai, M. Corneille n'a pas dit mieux dans le Cid. Eh bien, Henri, je garde les vers. Seulement, quand vous reverrez le fou, dites-lui de ma part que je le plains sincèrement et que je l'aime beaucoup, mais comme un frère, comme le plus dévoué et le plus délicat de mes amis. » Le moment était décisif. Mademoiselle de la Vallière avait jeté à Henri un de ces regards d'inexprimable aménité auxquels une pauvre tête folle comme la sienne ne pouvait résister. Il tomba à ses pieds, il embrassa ses genoux en s'écriant « Ah, Louise, dût le roi me jeter pour la vie au fond d'un cachot, je vous aime !» Or, dans le saisissement qu'elle éprouvait, Mademoiselle de la Vallière se leva brusquement et un des nœuds de ses rubans vint tomber sur le tapis. Henri ramassa le nœud, il le défit rapidement, et relevant la manche galonnée de son bras gauche, il enroula le ruban autour de son poignet et rabattit sa manche par-dessus. « C'en est fait !» s'écria-t-il encore. « Que vous le vouliez ou non, Louise, adorable Louise, ce ruban ne me quittera plus. Je porterai vos couleurs, et c'est avec elles que je me ferai tuer à l'armée, à la première affaire où j'assisterai. » Dans ce moment-là, on entendit, du côté de la cour, un grand bruit de chevaux. Un valet vint en toute hâte annoncer au salon que le roi, suivi de ses écuyers, arrivait de Versailles. Il y eut un instant d'épouvante. M. de M., qui s'était relevé, cherchait à enlever son couvert de dessus la table pour le cacher au roi. Mademoiselle de la Vallière s'en aperçut et l'arrêta avec toute la sérénité que donne une bonne conscience. « Enfant, dit-elle, laissez donc cela. On vous croirait en faute, et Dieu merci, vous avez été d'une parfaite loyauté. » Cependant, M. de M. s'était hâté de prendre son chapeau, et se tenant debout à deux pas de la table, il s'était donné l'attitude d'un courrier qui prend congé. Le roi entra dans le salon avec cette vivacité et cette aisance qui lui étaient naturelles. Il alla droit à Mademoiselle de la Vallière, qui accourait au-devant de lui, et lui baisant la main. « Madame, dit-il, je vous avais dépêché, M. de M., mais une demi-heure après son départ, mon impatience à savoir de vos nouvelles est devenue extrême. J'ai pris des chevaux et me voilà. Comment vous trouvez-vous, chère Louise ?»« Ah, dit-il en jetant les yeux sur la table, voilà une charmante collation. Vous avez soin de mes pages, madame. Voulez-vous aussi me donner à souper ?»« Mon cher sire, reprit Louise, je vous répondais. Voici ma lettre. Vous allez souper fort mal, sire. Mais vous nous comblez de joie. » Elle donna des ordres, et un quart d'heure après, le roi, prenant place à table, soupait de grand appétit, servi par son premier page, M. de M. Or, un billet écrit en vers était resté étourdiment sur le tapis. Le roi l'ouvrit et le lut. « Voilà de très beaux vers, dit-il en riant. Vous avez là, madame, un bien grand admirateur, peste. » Henri resta calme et de sang-froid. Il fit même preuve d'une rare intrépidité, en continuant à servir le roi à table, comme s'il s'agissait d'une autre lettre que la sienne. Mais Mademoiselle de la Vallière sourit de si belle grâce que Louis XIV se prit à rire aussi très franchement. Les beaux yeux de Louise auraient calmé la terre et le ciel s'ils s'étaient brouillés. Après le souper, le roi dit à son page avec une charmante aménité « Je veux vous prouver, monsieur, que je vous estime et que j'ai de l'affection pour vous. Dès ce soir, je vous accorde le brevet de capitaine dans les dragons de la reine qui tiennent garnison à Arras. Vous prendrez congé demain. Et vous partirez pour votre régiment. Comme vous êtes très bon écuyer, et que vous avez fort bien réduit et dressé le cheval que vous montiez aujourd'hui, le roi vous donne ce cheval. Allez, monsieur de M., servez-moi fidèlement. Établissez-vous pour cette nuit au château. Je repars demain matin à 7 heures pour Versailles. » Henri salua profondément et se retira en disant par lui, « N'importe, il a eu peur. Il m'éloigne. Mais tout roi de France qu'il est, il ne m'empêchera pas de porter au bras toute ma vie un des rubans de mon adorable Louise. » Le roi arriva au château de Versailles le lendemain pour le grand lever. Dans l'après-midi, le comte Henri de M, capitaine aux dragons de la reine, était sur la route d'Arras, montant le beau cheval circassien qu'il tenait des bontés du roi, et suivi de deux piqueurs aux livrées de sa maison. Ainsi s'achève le Page du roi par Paul Bocherie.